Alors qu'il y a aussi 1700 places de parking. Oui, voilà, donc un grand point de mobilité aussi à un endroit qui ne va pas très bien en matière de bouchons aussi. Et dans une ville où les commerces ne vont pas toujours bien, ça c'est un peu pour vous donner le menu. Une ville aussi peut-être où la démocratie urbaine n'écoute pas beaucoup ses habitants, parce que autant le secteur associatif, le secteur des commerces préexistants, que tous les secteurs de la citoyenneté ont été assez bien niés dans ce processus. Et pour Drive. Chuck Berry style. Hey! Making people sweat. Ah, clairement, ça m'interpelle. Ça m'interpelle, ça me pose question. Je pense à tous ces projets de centres commerciaux à Bruxelles, à cette offre commerciale, cette offre commerciale ici à Bruxelles, alors que la demande n'est pas... On est dans une petite ville d'un million d'habitants, et je me demande si ça a du sens d'ouvrir des centres commerciaux de cette taille ici à Bruxelles, et aussi à la périphérie. Commercial où il y a effectivement pas mal de petits commerces genre épicerie, il y a deux magasins bio, il y a quelques petits restaurants sympas, très bons d'ailleurs aussi. Alors il y a beaucoup de coiffeurs, des magasins de vêtements d'occasion. Le public a changé aussi sur ces Delmet. C'est un public qui s'est, on pourrait dire que cette artère s'est appauvrie. Mais enfin, il y a des bons commerces, il y a des cordonniers, hein, voilà, tout ce qu'il nous faut pour faire nos courses tous les jours et avoir une vie de quartier. Put it together and we'll be alright. We're worth more than a stupid fight. Et bon, voilà, moi je crains pour cette vie qui est là, cette vie qui est difficile à survivre parce que c'est pas évident avec l'économie, enfin la crise économique que tout le monde vit. Et je crains que, enfin, je ne vois pas où les gens vont avoir le pouvoir d'achat. En tous les cas, les Escarbécois qui habitent ici dans les environs, ou bien peut-être se balader, ça peut être amusant de se balader, mais à part ça. Je ne suis pas encore venue parce que je n'étais pas fort contente du fait que ça se soit implanté sans grande concertation avec les citoyens et les gens proches. We'll be right back.